Terre. Il est 13h05 passé, c'est l'heure de... c'est là que ça se passe, votre agenda militant de la semaine. Et on va se faire une petite chanson et on se retrouve juste après. Pas en retard, mais tout juste un peu, juste une chemise fragile tous les matins. Du sel sur mon travail, présente rien. Pourtant, au soir, quand j'ai fini, je me sens couvert de suie. Je suis un employé tel. Je suis un employé tel. Je suis un bouquet de sel. Un jour peut-être, qui sait, l'employeur soulignera ma fidélité. Une plaque, un stylo doré, une belle repro laminée. Mais dans mes nuits sont ferreurs, je ne rêve plus qu'à les tunnels et dans la noirceur. Je n'entends plus qu'une seule question: combien de temps durera encore la fille de ma lampe de poche? Je suis qu'un bouquet de cerne, un parapluie dans le vestiaire, une photocopie solitaire, des salutations austères et le code vestimentaire. Matin que les zéros Celsius et la nausée me rattrape dans l'autobus. Et sous mes deux yeux constatés, c'est en couleur de café. Et ma foi, y'a plus que la chaussée devant nous. Alors que s'écroulent les viaducs derrière les roues, tous les passagers se taisent car voyez, nous sommes tous résignés. Nous sommes des employés. Nous sommes des employés ternes. Seul mon décor est de fer. Seul mon décor est de cerf. Nous sommes des employés ternes. Nous sommes des employés ternes. Éternellement subalternes. Toujours des employés ternes. Autrefois étudiants moyens. Autrefois étudiants moyens. Bientôt des vieillards épris. Bientôt des vieillards épris. Qui auront travaillé toute leur vie. Qui sont acharnés toute leur vie. Pour prendre seul dans leur lit. Pour prendre seul dans leur lit. Nous sommes des employés ternes. Des parapluies dans le vestiaire. Je suis un employé terre. Une photocopie solitaire. Des salutations austères. Et le code vestimentaire. Je suis un employé terre. Un corridor circulaire. De l'entrée en hiver. Et vous êtes à l'écoute de C'est là que ça se passe, votre agenda militant de la semaine, tous les lundis de 13h à 14h30, toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et vous pouvez nous écouter en Ile-de-France sur le 89.4 sur la bande FM et aussi sur le net, sur le www.radio-libertaire.net. Alors, je ne sais pas si le podcast et le streaming de la radio fonctionnent aujourd'hui, mais, je sais qu'il y a quelques soucis techniques à ce niveau, sur le site de la radio. Alors, je ne sais pas si... Tout ce que je sais, c'est que ça fonctionne sur la FM, que le podcast a des problèmes. Et d'ailleurs, D'ailleurs, si vous voulez réécouter les émissions, c'est là que ça se passe. Vous pouvez aller sur un site internet, vous tapez archive au singulier .org et là sur la barre de recherche vous tapez c'est là que ça se passe Radio Libertaire et vous tomberez sur mes émissions donc que j'ai uploadées sur ce site pour pouvoir les réécouter tout simplement. Et garder des archives de cette émission donc sur le site internet archive.org. Vous tapez dans la barre de recherche, ensuite c'est là que ça se passe Radio Libertaire et vous tomberez sur les émissions en question. Ce matin, Milan n'est pas avec nous. Il est occupé, peut-être qu'il arrivera en cours d'émission ou pas. Dans tous les cas, on le retrouvera avec nous la semaine prochaine, donc lundi prochain. Pour qu'il puisse nous donner quelques rendez-vous ou quelques points de vue sur ceci. Alors aujourd'hui, beaucoup encore de rendez-vous cette semaine. Hein. Je vais encore vous proposer un certain nombre de points d'agenda. Beaucoup de rendez-vous sur Paris et l'Île-de-France. Et puis quelques rendez-vous hein, dans la troisième partie de l'émission. Quelques rendez-vous en région avec Bordeaux, Lyon... sur Grenoble aussi, et puis sur Rennes cette semaine. Oui, je pense que ce sera tout pour les rendez-vous en région, mais vous découvrirez ça dans la troisième partie de l'émission. Alors, avant de vous donner les rendez-vous pour Paris Intramuros, je voulais lire un texte. Un texte qui a été écrit par une amie et compagnonne de lutte et qui a été déjà lu à l'antenne de l'émission Parloir Libre, qui est une émission anti-carcérale qui est diffusée sur une radio sur Grenoble. Hein, donc local pour les prisonniers de la prison de Vars, si je me souviens bien. Et donc c'est un texte que je dédie bien évidemment à toutes les personnes enfermées, et puis à l'émission Ras les murs également. Derrière les barreaux de tout enfermement. Prison, centre de rétention, HP, centre éducatif fermé, qui dresse des barreaux autour de nos vies, voulant nous priver de toute liberté. Nous vous disons que nous sommes libres au fond de nous-mêmes, libres, volant là où nos rêves nous portent. Se trouver loin des siens, être dans un espace réduit, faire face aux brimades, aux interdictions, aux nuits trop courtes, mais continuer d'avoir des rêves et vouloir les vivre en toute liberté, pour vivre libre malgré tout enfermement. Notre liberté ne peut être contenue au-dedans des barreaux. Elle ne sera jamais des portes et des fenêtres fermées. Notre liberté, ce sont des rêves que nous portons en nous. Des rêves qui veulent construire des ponts entre les individus et non des barreaux qui nous séparent des uns et des autres. Notre liberté n'est pas dans des rapports de domination, d'exploitation. Elle est la clé qui ouvre toutes ces portes que certains ont fermées sur nos vies. Notre liberté veut traverser les murs des prisons, les murs de tout enfermement, et les distances, pour ne plus vivre l'isolement. Dans chaque minute d'isolement, dans chaque minute de solitude, la voix de notre enfermement rejaillit hors des murs. Notre voix, pour que demain nous donne la force de rester libres sans cesser d'être ce que nous sommes, malgré les barreaux dressés autour de nos vies, dans les prisons du dedans. Signé, une insoumise à tout enfermement. Nous sommes et resterons libres au fond de nous-mêmes. Voilà pour le texte. Alors ce texte a été lu à l'émission Parloir Libre du 31 janvier 2015. Donc c'était en direct pour le nouvel an à l'attention des prisonniers et prisonnières incarcérés qui ne pouvaient pas passé le cap, dirons-nous, de la nouvelle année libre, puisque il et elle étaient enfermés. Donc c'est un texte qui m'avait touché et que du coup j'avais envie de vous faire partager, de dédier à l'émission Ras les murs, bien évidemment, que vous pouvez retrouver tous les mercredis sur Radio Libertaire de 20h30 à 22h30. Et puis que je dédiais à toutes les personnes enfermées qui écoutent Radio Libertaire ce matin, si elles écoutent la radio. Et puis à toutes les personnes qui luttent également au-dedans et en dehors. Il n'y a qu'ensemble qu'on y arrivera et qu'on arrive à détruire ces espaces de non-liberté. Voilà, voilà pour ce texte. Et merci à ma chère indomptable rebelle qui a écrit ce texte et qui me l'a fait partager, bien évidemment. Alors, après ce texte anticarcéral, on va pouvoir commencer sur les rendez-vous sur Paris intramuros. Et notamment aujourd'hui, lundi 8 février, il y a un rassemblement et une grève aussi de prévu au niveau de Pôle emploi. Une grève des travailleurs et des travailleuses de Pôle emploi. Et un rassemblement avec ces mêmes travailleurs et travailleuses, mais qui ne, comment dirais-je, accompagnés des chômeurs et des chômeuses et des précaires par solidarité, puisque ce sont les personnes touchées directement. Un rassemblement à 14h aujourd'hui, donc, devant la direction générale de Pôle emploi, qui est située au 1 rue du Docteur Gley, dans le 20e arrondissement de Paris, et on y accède par le métro station Porte des Lilas avec les lignes 11 et 3 bis, et avec le tramway T3B. Alors, cette journée de grève au niveau de Pôle emploi, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est aujourd'hui qu'il y a une réforme qui est appliquée sur Pôle emploi, notamment la dématérialisation de certains de certaines feuilles qui sont certains papiers qui sont demandés par Pôle emploi aux chômeurs et chômeuses, et d'autres choses encore, et les principales revendications donc de ces personnes qui font grève et de ces personnes qui sont touchées, chômeurs, chômeuses précaires par cette réforme, c'est la revalorisation immédiate de tous les revenus des chômeurs et précaires. La garantie d'un revenu personnel décent, avec comme référence le SMIC mensuel et la continuité des droits sociaux, et le libre choix de son emploi et de sa formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réformes, je ne sais plus quel ministre, quel sinistre plutôt, voudrait augmenter à 500 000, enfin augmenter de 100 000 personnes le nombre de personnes qui rentrent en apprentissage, et d'augmenter je ne sais plus quelles les personnes qui font le service civique sur la classe d'âge 16-25 ans, etc. Le problème, c'est que ces réformes ne sont en rien une solution au chômage. Hein. Le chômage ne peut être réglé que par une seule solution, c'est le partage du temps de travail. Hein. C'est de descendre les heures de tout le monde pour que tout le monde, s'il le veut, puisse faire quelques heures de travail par semaine. Et à ce moment-là, on aura tout le monde qui pourra exercer une activité, peu importe laquelle. Et évidemment, le but n'est pas de descendre le temps de travail en descendant les heures payées. Hein. C'est bien évidemment de pouvoir, descendre pourquoi pas à 30 heures ou même encore moins de travail, payer 35 ou 40. Hein, c'est une vie décente. Une vie décente, c'est ne pas se tuer à la tâche pendant 40 ou 45 ans. C'est ne pas compter ses sous chaque jour et ses centimes pour savoir si on va réussir à manger le lendemain ou si on va réussir à payer sa facture de gaz, d'électricité ou de le loyer tout simplement pour les personnes qui ont un logement à la fin du mois. Enfin bref, la division du temps de travail est quelque chose qui sera nécessaire dans tous les cas. Et qui s'imposera, j'espère, aux meneurs qui gèrent, aux gestionnaires de la France. Hein, et de toute façon, il faudra bien partager les activités si nous ne voulons pas que le chômage continue comme ça, à augmenter continuellement, et que donc les personnes se retrouvent en grande précarité parce que, eh bien... plus d'argent pour pouvoir acheter la nourriture, l'habillage, comme je disais, payer son loyer, ses factures, etc. Donc voilà, aujourd'hui, rassemblement à 14h devant la direction générale de Pôle emploi, métro Porte des Lilas. Et ce sera suivi, ce soir, dans la même lignée que ce rendez-vous, une réunion d'information à partir de 19h à la Bourse du Travail, précisément à la salle Ambroise Croizat, Bourse du Travail qui est située aux 3 rue du Château d'Eau, dans le 10e arrondissement. Alors la station la plus proche, c'est République, avec les métros 3, 5, 8, 9 et 11. Et le bus 65 qui passe juste devant la Bourse du Travail. Et donc là, vous aurez à cette réunion d'information tous les détails concernant la réforme de Pôle emploi, la baisse la baisse de l'assurance chômage, que ça va devenir complètement dégressif au bout de quelques mois et tout ça. Enfin bref, toutes ces réformes ne sont dues qu'à... ne fonctionne qu'à faire précariser encore plus la population de toute façon. Et donc c'est à combattre, de fait, hein, vu que c'est pour appauvrir la population et non pas pour l'enrichir, peu importe ce qu'on place derrière le mot enrichissement, mais je veux dire, il faut pouvoir lutter contre l'appauvrissement de la population, que ce soit en France comme ailleurs. Voilà pour ces deux rassemblements aujourd'hui. Et c'est tout ce que j'ai récupéré pour ce lundi. Donc on passe à la journée du mardi. Mardi avec un rassemblement, je crois... Non, une permanence, pardon. Une permanence à 16h. À 16h demain, ce sera une permanence d'entraide contre les violences sexistes. Permanence d'accueil de personnes victimes de violences dans les relations amoureuses, dans le harcèlement sexuel au travail, de sexisme quotidien dans la rue, de lesbophobie, de transphobie, de violences médicales, de viols, etc. Si on subit soi-même des violences, si un ou une proche en subit, comment y faire face ? Eh bien, pour briser l'isolement, trouver où s'adresser, partager nos expériences, nous entraider contre les violences sexistes, eh bien, ce rendez-vous demain, à mardi 9 février, demain à 16h, à la 20e chaise, qui est un centre social, le centre social La 20e chaise, donc, qui est situé au 38 rue des Amandiers, dans le 20e arrondissement de Paris. Métro, ligne 2 et 3, station Père-Lachaise, ou encore avec les bus 69 et 61. Et ce rendez-vous sera proposé tous les deuxièmes mardis du mois de 16h à 20h. Donc le deuxième mardi du mois de mars, il y aura ce même rendez-vous, donc, et ainsi de suite tous les deuxièmes mardis du mois. Voilà pour la journée de demain. Et on continue avec la journée du mercredi 10 février avec l'Assemblée Générale du collectif Notre-Dame-des-Landes, Île-de-France. Donc c'est la réunion hebdomadaire tous les mercredis à 19h30 et qui est ouverte à toutes et à tous. Réunion hebdomadaire du collectif Notre-Dame-des-Landes, Île-de-France. pour venir discuter, savoir ce qui se passe sur la ZAD, savoir, et puis discuter aussi des autres ZAD, bien évidemment, savoir comment lutter, qu'est-ce qu'il est possible de faire, et puis savoir les dernières nouvelles de ce qui se passe au niveau juridique aussi. Et puis, j'avais vu que la semaine dernière, sur la ZAD, il y a un certain nombre de choses qui ont été entreprises, comme des constructions, non pas des constructions d'aéroports, mais des constructions de choses par les personnes qui y vivent actuellement, hein, les ZADistes, les familles qui y vivent encore, les agriculteurs et agricultrices qui y sont. Voilà, de pouvoir devenir quelque chose de pérenne, d'aménager la zone de façon écologique et pérenne, oui, donc, dans le respect de l'écosystème de Notre-Dame-des-Landes. Et voilà, je crois que certains petits travaux ont commencé. Et voilà, si vous voulez vous tenir au courant de ce qui se passe à la ZAD, c'est donc mercredi 10 février à 19h30, et ce sera au local de la CNT, région parisienne, située au 33 rue des Vignoles. Et le 33 rue des Vignoles, on y accède avec la ligne 2 du métro station Avron, ou station Buzinval avec la ligne 9, ou encore le bus 57 qui ne passe pas très loin. Voilà pour les rendez-vous de mercredi. Jeudi 6 février... C'est pas du tout jeudi 6. Mercredi 10, donc jeudi 11, pardon. Jeudi 11 février à 20h, il y aura une projection débat intitulée « Le rêve perdu des hommes du fleuve ». Alors, le rêve perdu des hommes du fleuve, ça concerne le Pérou et les Amérindiens qui vivent au Pérou. C'est un film documentaire de Christophe Cordier. Et cette projection sera suivie d'un débat en présence de Christophe Cordier. Et il y aura un repas en fin de soirée, donc après la projection et le débat. Et ce sera au café associatif La Commune libre d'Aligre, située au 3 rue d'Aligre. On y accède avec le métro 8, station Ledru-Rollin, et avec les bus 76, 86 et 61. Ou pour les marcheurs et les marcheuses, par la gare de Lyon, avec la ligne 1, la ligne 14, différents RER, où c'est pas nécessairement très loin, hein, à 10 minutes, 15 minutes à pied de la gare de Lyon, si vous venez par cet endroit. Alors, je vais vous parler un peu plus de ce film, « Le rêve perdu des hommes du fleuve ». Iquitos, capitale de l'Amazonie péruvienne. Le jour émerge à peine de la nuit. De jeunes étudiants se frottent les yeux. Debout, devant leur pupitre, ils entonnent un chant péruvien. Les rires se contiennent. Un professeur indien, à la peau cuivrée, leur demande de s'asseoir. Nous sommes à Rios de Saber, les rivières du savoir. Une école alternative qui a pour vocation de préserver et de transmettre les savoirs et les langues natives. Aujourd'hui, plus que jamais, certains peuples d'Amazonie s'organisent et résistent contre la dépossession des terres, la déforestation, l'empoisonnement des rivières, mais aussi de l'aliénation des cultures indigènes. Rios de Saber a fait le choix de l'éducation comme arme de résistance. Ce film est un désir de rencontre, de partage et d'aventure. Il raconte un monde en rupture, où la sauvegarde des cultures singulières, face à l'uniformisation du monde, permet d'entrevoir un autre monde des possibles. Donc voilà, ce sera jeudi 11 à partir de 20h au café associatif La Commune, situé au 3 rue d'Aligre, comme je l'ai dit, hein, proche de la gare de Lyon ou proche de la station Ledru-Rollin de la ligne 8. Vendredi 12, ce sera un rendez-vous à 17h. Un rendez-vous, d'ailleurs, c'est un rassemblement. C'est un rassemblement devant le siège social de l'ADOMA. Pour dire stop aux rafles dans les foyers. Alors, je vous donne l'adresse déjà du siège social de l'ADOMA et après, je vous dirai quelques mots sur cette lutte. Donc, le siège social de l'ADOMA est situé au 42 rue de Cambronne, Station Cambronne avec la ligne 6 du métro ou encore avec le bus 80 qui ne passe vraiment pas loin. Alors pourquoi ce rassemblement à 17h vendredi 12? Eh bien, c'est pour dire stop aux rafles dans les foyers. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une première émission, dans les premières émissions. Il y avait eu une rafle au foyer Marc Séguin, où des flics étaient venus emporter les affaires et les personnes sans papier de ce foyer. C'était le 15 décembre 2015, évidemment à la faveur de l'état d'urgence, hein. Même si on retrouve ce type d'exaction, ça s'est passé par le passé, où il n'y avait pas le statut d'état d'urgence, mais on était quand même en vigipirate, hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'état d'urgence, même s'il est signifié comme ça par l'État, l'État même et son existence est un état d'urgence. Hein, le fait que l'armée et la police existent prouve que nous sommes dans tous les cas sous l'état d'urgence de tout temps que l'État existe, bien évidemment. Alors évidemment, les véritables motifs de l'ADOMA qui avait demandé finalement à la police d'intervenir dans ce foyer, c'est de punir les résidents qui ont été en grève de loyer depuis 18 mois pour revendiquer la réouverture de leur cuisine collective et de leur cafétéria et de certains travaux. Nous n'acceptons pas qu'une telle opération se transforme sans aucune réquisition de la force publique par le procureur en arrestation collective au sein de leur domicile privé de personnes qui n'ont commis aucun délit et que les droits de l'homme fondamentaux soient ainsi remis en cause. Alors, il y avait une vingtaine de personnes qui avaient été mises en rétention au CRA de Vincennes. Expulsion de plusieurs d'entre eux vers des pays européens, l'Espagne et l'Italie notamment. Et de manière très violente pour l'un d'entre eux vers le Sénégal. Ibrahima, donc, cette personne qui a été envoyée vers le Sénégal, a en effet été menottée et embarquée de force dans un avion le 8 janvier 2016. Il se trouve actuellement à Dakar, dans un dénuement total et particulièrement choqué par les conditions indignes de son expulsion. Et donc, voilà, ce sera... oui, la manifestation que j'avais parlé dans la première émission, c'était le samedi 9 janvier 2016, qui avait réuni 1000 personnes devant le foyer Adoma Marc Séguin, enfin, du foyer Adoma Marc Séguin à la mairie du 18e arrondissement, où une délégation n'avait pas été reçue. Il y a eu des pétitions qui ont été faites pour la libération de 600 papiers qui sont retenus toujours au centre de rétention de Vincennes, qui avait récolté plus de 400 signatures. Et donc voilà pourquoi cette nouvelle manifestation, vendredi 12 à partir de 17h, et cette fois-ci en se rassemblant devant le siège du gestionnaire Adoma pour revendiquer que les rafles dans les foyers soient stoppées, que les droits pour les résidents soient respectés et que soient satisfaits toutes leurs revendications qui sont légitimes, hein, rappelons-le, d'avoir des papiers, de pouvoir habiter quelque part et non pas à la rue, de pouvoir trouver du travail si ces personnes le souhaitent, etc. Donc voilà, ce sera vendredi 12 à 17h, je redonne l'adresse, c'est siège social de l'ADOMA, au 42 rue de Cambronne. On y accède avec la ligne 6 du métro Station Cambronne et le bus 80. Toujours ce vendredi 7, il y aura quelque chose dans notre... Vendredi 7, je ne sais pas pourquoi je suis bloqué sur la semaine dernière, excusez-moi, vendredi 12 bien sûr, vendredi 12. Vendredi 12 donc, autre rendez-vous. À 19h30, ce sera à notre chère librairie Publico, librairie du Monde Libertaire, librairie de la Fédération Anarchiste, avec plein de livres, plein de BD, plein de CD, plein de DVD aussi, et des conférences, des projections, des concerts suivant les semaines. Et donc, vendredi 12 février à 19h30, la projection du film « Si c'est puede ». Alors, depuis le début de la crise économique, des milliers de familles se sont vues expulsées de leur logement en Espagne. Suite à ces événements, se crée à Barcelone en 2009 la PAH, la plateforme des affectés par l'hypothèque. Collectif citoyen ayant pour but de contrer ces expulsions et de lutter pour le droit au logement. La PAH s'étendra le long de tout le territoire de l'État espagnol, basant son action sur la solidarité, la résistance et la désobéissance civile. Comblant une situation de détresse extrême, ils ont aussi montré que, ensemble, il est possible. Il est possible de faire quelque chose ensemble, bien évidemment. Alors la projection sera à 19h30. Arrivez comme vous pouvez. Si vous pouvez arriver à l'heure, c'est toujours mieux. Vous pouvez prendre le temps de discuter avec les personnes présentes à la librairie, de discuter avec notre permanent Laurent, de faire un tour dans la librairie aussi, puis d'avoir une place assise pour la projection si jamais d'un seul coup il y aurait plus de 100 personnes qui arriveraient pour voir ce film, bien évidemment. Si c'est puede, donc 7 jours à la PAH de Barcelone contre les expulsions. À la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, ligne 5 et 9, République avec les lignes 3, 5, 8, 9 et 11, et enfin Fille du Calvaire avec la ligne 8 du métro, ou encore en bus, beaucoup de bus qui passent aussi à cet endroit, le 96, le 56, le 65, le 20 ou encore le 75. Voilà pour la journée de vendredi. On passe à la journée de samedi 13. Samedi 13 février, il y aura à 16h. Alors à 16h, une conférence débat qui aura lieu à la bibliothèque La Rue. La bibliothèque La Rue, vous le savez, c'est 10 rue Robert Planquette. Métro Blanche, ligne 2 du métro, ou métro Abès, ou station Abès, pardon. Ligne 12 du métro. Voilà. Et puis, le local La Rue, vous pouvez y accéder aussi en bus, avec les lignes 30, 54 et 80. Alors, local de La Rue, géré par le groupe Louise Michel de la Fédération Anarchiste, ce sera une conférence débat sur qu'est-ce que l'ADN ? C'est la deuxième séance du cycle « Quelques notions de biologie » de l'école de La Rue. Et vous aurez toute une présentation simplifiée et non pas universitaire sur l'ADN et la biologie. Et puis une présentation critique aussi, bien évidemment. Sur les détenteurs du pouvoir qui sont toujours prompts à nous vanter le caractère salutaire pour l'humanité de certaines manipulations du vivant comme les OGM ou le transhumanisme avec l'image de l'homme augmenté parce que avec plein de puces sur lui et plein d'améliorations technobiologiques. Ce qui est, à mon sens, une hérésie, sauf peut-être dans le cas du handicap, et seulement si la personne le décide pour elle-même, bien évidemment. Ce sera donc, comme je l'ai dit, une conférence sur qu'est-ce que l'ADN, et une conférence critique sur qu'est-ce que l'ADN. Ce sera fait par Franck Bourra. Et ce sera présenté aussi les méthodes qui sont mises en œuvre pour fabriquer des OGM, organismes génétiquement modifiés, et également les techniques qui permettent d'utiliser la variabilité de cette molécule modifiée à des fins d'identification. Les empreintes génétiques, par exemple. Voilà, vous saurez tout ça samedi 13 à 16h, de 16h à 18h. À la bibliothèque La Rue, locale du groupe Louise Michel de la Fédération Anarchiste, qui tient une permanence tous les samedis de 15h, 15h30 à 18h. Vous pouvez emprunter des livres à la bibliothèque, venir discuter avec les personnes qui sont dans le local, et tout ça autour d'un petit verre, d'un petit café, d'un petit jus de fruits. N'hésitez pas à y passer, c'est une bibliothèque vraiment conséquente. Hein. Vous pouvez trouver énormément d'ouvrages sur l'anarchisme, bien évidemment, sur les luttes sociales. Elle vaut le coup d'œil et elle vaut de. Enfin, vous pouvez vous emprunter gratuitement, hein. Il n'y a pas de frais pour utiliser cette bibliothèque. Vous pouvez venir lire à la bibliothèque aussi. Donc n'hésitez pas à y passer, ça vaut vraiment le coup. Et ce sera ce samedi 13 à 16h. Autre rendez-vous ce samedi aussi, c'est à 16h30, et cette fois à la librairie Publico. Alors oui, bon, ces deux rendez-vous se chevauchent, mais c'est à vous de choisir, hein, j'ai envie de dire. Donc samedi 13 février à 16h30, ce sera alors une rencontre débat avec Jeanne Cordelier et Mélusine Vertelune, à 16h30 donc, dans le cadre de leur ouvrage « L'inceste, un viol institué, ni silence, ni pardon » aux éditions ME Éditeur. Alors, je vais vous lire quelques mots à propos de ce livre. Près de 25% des filles subissent une expérience à caractère sexuel avec un adulte avant l'âge de 13 ans. Les deux tiers des victimes d'agressions sexuelles sont âgées de moins de 18 ans. Dans 98% des cas, l'agresseur est de sexe masculin, mais plus de 20% des agresseurs sont âgés de moins de 18 ans. Et notre société érotise outrageusement les filles et les fillettes, ce qui n'est pas sans conséquences. Les récits de Jeanne Cordelier et de Mélusine Vertelune portent sur un type d'agression à caractère sexuel particulier, celui qui est défini comme incestueux. La fillette, qui en est victime, est complètement démunie car une personne censée la protéger et l'aimer l'agresse, en fait son objet sexuel. La plupart du temps, la fillette se tait, par honte, par peur, par soumission à son entourage, parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas crue. Et si elle parle, on la fait taire. Ainsi, en toute impunité, se perpétuent des crimes aux conséquences dévastatrices sur les plans physiques et psychologiques. Or, certaines, un jour, décident courageusement de briser le silence, un silence lourd, étouffant, accablant. Mais Mélusine Vertelune nous raconte sans phare ce qui a été son calvaire quand son frère plus âgé l'a agressée à répétition pendant de nombreuses années. Il ne peut être alors question de pardon, mais de solidarité contre les dominants, les agresseurs et les criminels. Voilà le texte et le point de vue de Jeanne Cordelier et de Mélusine Vertelune que vous pourrez rencontrer donc à la librairie Publico ce samedi 13 à 16h30. Métro République Oberkampf, Fille du Calvaire et beaucoup de bus qui y passent au centre de presque à côté du 145 rue Amelot. Oui, c'est vrai que les fillettes subissent des viols incestueux, les petits garçons aussi. C'est certes que les informations les plus démocratisées dans les médias sont souvent ceux qui ont attrait à des petits garçons ayant fréquenté des églises, avec les prêtres pédophiles. Alors là, c'est pas dans le cadre de l'inceste, mais du viol. Mais c'est vrai que dans le cadre de l'inceste, un viol institué, il faut lutter. Il faut lutter contre. Il faut lutter pour ne plus que ça arrive, ou en tout cas pour que ça disparaisse enfin de la planète. Et vous aurez donc de quoi en parler avec Jeanne Cordelier et Mélusine Vertelune. Mélusine Vertelune qui est membre de la Fédération anarchiste sur Lyon, le groupe Graines d'Anard, que je salue au passage. Et ce sera à 16h30, donc à la librairie Publico. Publico qui a toujours besoin de vous. Hein. N'hésitez pas à passer, acheter, consulter les livres, à venir aux conférences débats comme samedi, aux projections de films, comme un peu plus en début de semaine, aux concerts des fois, hein, parce qu'il y a des concerts, ce n'est pas seulement des conférences, ce n'est pas seulement des projections de films, ce n'est pas seulement des présentations de livres, c'est aussi des concerts que j'aurai plaisir à vous transmettre quand j'aurai le programme sous les yeux de la librairie. Voilà pour samedi. Et une autre encore, oui, c'est vrai, j'allais oublier ce rendez-vous. Pardonnez-moi, une autre projection débat à 19h ce samedi 13. Ce sera Peau de thé, peau de fer, la lutte des ouvriers et des ouvrières de l'usine Fralib. Projection à 19h, puis débat, et enfin à 21h, un repas sera servi. Ce sera au café associatif La Commune libre d'Aligre, aux 3 rues d'Aligre, métro Ledru-Rollin, ligne 8, ou encore par la gare de Lyon pour les marcheurs et les marcheuses. La suite de la lutte des Fralib, hein, depuis septembre 2011, l'annonce de l'occupation de l'usine, jusqu'à juillet 2014, la fête de fin de conflit. Une lutte victorieuse contre le trust Unilever qui veut fermer cette usine de conditionnement de thé et d'infusion située à 10 km de Marseille. La lutte débouchera sur la mise en place d'une SCOP, pardon, qui, dans ce cadre collectif, poursuivra et relancera la production. Le film aborde différents aspects de la lutte par le point de vue de ses protagonistes, les aspects juridiques aussi, les menées provocatrices d'Unilever, l'organisation et l'occupation de l'usine, les actions de lutte, et de solidarité multiples durant ce long conflit, et oui, hein, 2011-2014, 3 ans de conflit, ce n'est pas rien. Et tout ça donne corps et voix à cette ténacité ouvrière qui a permis cette fin de conflit victorieuse. Donc comme je l'ai dit, la projection sera suivie d'un débat, avec le réalisateur Claude Hirsch et des ouvriers de Fralib qui seront là également. Et puis il y aura un repas de servi vers 21h dans ce café associatif La Commune qui organise beaucoup de choses. Hein. Ils ont un site internet, vous pouvez toujours aller consulter ce site, Commune Libre d'Aligre, vous tapez sur un moteur de recherche et vous tomberez normalement dessus, café associatif La Commune. Voilà, vous avez beaucoup de choses d'organiser, des repas aussi hein, qui sont très bons, organisés par différentes personnes suivant les soirs. Et puis c'est toujours un moyen de se rencontrer, de discuter ensemble, de décider ensemble et de décider de mener des actions et des luttes ensemble et d'apprendre sur les luttes des autres aussi. Et quand je pense à la Commune libre d'Aligre, je salue nos compagnons de radio libre de l'époque de Aligre FM qui émet toujours sur Paris Île-de-France. Alors voilà pour ce samedi 13 février. Un dernier rendez-vous dimanche 14 pour Paris Intramuros, ce sera un vide-grenier gratuit. Un vide-grenier gratuit qui sera situé au 26 rue du Docteur Potin. C'est au métro Télégraphe avec la ligne 11 ou encore le bus 48 qui passe pas très loin de là. Et à 14h donc. De 14h à 18h pour être plus précis. Alors vous venez avec les affaires qui sont de trop dans vos placards, venez avec de quoi partager à manger ou à boire, venez les poches trouées pour en trouver de moins ripées, venez surtout pour rencontrer et discuter, filer un coup de main et inviter vos voisins. Voilà. Et puis en même temps, ce sera l'occasion de discuter de l'état d'urgence et de la déchéance de la nationalité et des conséquences pour nous au quotidien. Voilà, donc c'est une zone de gratuité, il y aura des vêtements, voilà. Venez amener des choses dont vous voulez vous débarrasser, entre guillemets. Venez trouver des fringues, etc. Enfin, venez prendre ce que vous avez besoin. C'est un vide-grenier gratuit. Ce sera dimanche 14 février à 14h au DOC. 26 rue du Docteur Potin, métro Télégraphe avec la ligne 11, ou encore en bus avec le 48. Alors voilà pour les rendez-vous que je voulais vous transmettre pour Paris intramuros. On va se faire une petite pause musicale avant d'attaquer quelques rendez-vous en Île-de-France. Et on va s'écouter Charles de Gaulle avec le titre A East Hoy. A tout de suite. Quand je serai mort, feras-tu encore régner la loi du plus fort? Hey toi, quand je serai mort, riras-tu encore de ceux qui ploient sous l'effort? Hey toi, quand je serai mort, t'abandonneras-tu encore de ces charniers et de ces corps? Hey toi, quand je serai mort, enfin je pourrai te dire en face que je ne t'aime pas. Tu encore dans un océan de larmes. Hey toi, quand je serai mort, feras-tu encore la cata pour vendre tes charmes? Hey toi, quand je serai mort, entendras-tu encore au loin le fracas des armes? Hey toi, quand je serai mort, enfin je pourrai te dire en face que je ne t'aime pas. C'était Charles de Gaulle avec le titre Ha East Hoy. Et oui. On n'aime pas les puissants. On n'aime pas les puissants sur Radio Libertaire. On n'aime pas les puissants dans l'émission lundi matin. Et on n'aime pas les puissants dans l'émission C'est là que ça se passe non plus. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer avec les rendez-vous en Île-de-France, les rendez-vous hors de Paris, mais toujours sur la région Île-de-France, donc, avec un rendez-vous mardi. Mardi, ce sera... Alors, mardi 9 février, ce sera une grève dans l'éducation nationale, avec deux rendez-vous. Alors, il y aura un premier rendez-vous à 9h, une assemblée générale de grève à l'école Henri Vallon A, située à Gennevilliers, qui est desservie par la ligne 13 du métro, la station Les Agnettes. Donc, un premier rendez-vous concernant l'éducation nationale avec cette assemblée générale de grève à l'école Henri Vallon A de Gennevilliers. Pour des ouvertures de classe, pour éviter la surpopulation dans les classes, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette grève le 9 février, jour de la réunion du comité technique départemental des Hauts-de-Seine, et d'ores et déjà nous savons que 7 écoles du département seront fermées et 4 autres seront majoritairement en grève. Alors d'ici demain, relayez ça dans vos écoles respectives, si vous y travaillez, ou si vous êtes parents et parentes d'élèves, n'hésitez pas à faire passer le mot avec cette assemblée générale de grève prévue mardi 9, c'est-à-dire demain à 9h, à l'école Henri Vallon A de Gennevilliers, au 1 rue Roger Pointard, métro 13, Les Agnettes. Et ce sera suivi d'un rassemblement devant l'inspection de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, qui est sise à la préfecture de Nanterre à 11h30. Hein. Voilà, l'Assemblée Générale à 9h à Gennevilliers et le rassemblement à 11h30 à Nanterre. Pour refuser les mesures de la carte scolaire qui ferme des classes à droite pour en rouvrir à gauche, enferme à gauche pour en rouvrir à droite, supprime des postes ici, en rajoute des postes là-bas sans qu'il y ait aucun lien rationnel entre tout ça. Et aucune réelle portée éducative, si on veut. Tout ça ne permettra pas de rétablir les postes RASED, par exemple, qui ont été fermés par le ministre Darcos sous la mandature présidentielle et gouvernementale précédente, c'est-à-dire sous Sarkozy, donc. Voilà. Donc, c'est une grève à soutenir de mon point de vue. Hein. J'espère qu'il y aura du monde. Voilà. C'est donc à 9h, Assemblée Générale de Grève à Gennevilliers et à 11h30, rassemblement devant la Direction de l'Éducation Nationale des Hauts-de-Seine, à la Préfecture des Hauts-de-Seine, qui est donc à Nanterre, à 11h30. Et je vais quand même vous donner les moyens d'arriver à Nanterre. C'est avec la station Nanterre-Préfecture, avec le RER A. Et en bus, vous avez le 160 et le 304 qui y passent notamment. Voilà pour mardi et pour cette journée de grève et de mobilisation dans l'éducation nationale. Mercredi, vous aurez à 12h un rassemblement là aussi. À 12h, un rassemblement contre la répression qui s'abat sur le milieu syndical, et ça sera à Rueil-Malmaison. Alors moi j'aime bien, il y a de plus en plus de rassemblements qui se font dans les villes bourgeoises des Hauts-de-Seine. Ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup. Je pense qu'il faut continuer à faire ça et à harceler ces villes bourgeoises, hein, notamment Rueil-Malmaison. À l'époque, il y avait les Cagoulards qui tenaient leur réunion et leur local à Rueil-Malmaison. Donc c'est peu dire que les luttes sociales dans les Hauts-de-Seine, dans le centre des Hauts-de-Seine et dans le sud des Hauts-de-Seine, est quelque chose de pratiquement inexistant, hein, dans l'histoire des luttes. Et si ça pouvait naître, eh ben, je n'en serais que plus ravi. Et je dis ça pour les villes bourgeoises des Hauts-de-Seine, mais c'est valable pour toutes les villes bourgeoises du reste de l'Île-de-France et partout ailleurs en France et dans le monde, hein, bien évidemment. Donc, contre la répression avec Fred. Fred, qui est en train de se faire licencier. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour avoir soutenu des postiers en grève à la poste de Rivesaltes, et avoir informé de leurs droits les intérimaires qui avaient été envoyés par l'entreprise Start People, entreprise d'intérim donc, pour remplacer les postiers en grève, en toute illégalité d'ailleurs, et tel que cela a été confirmé par l'inspecteur du travail de Perpignan, les directions de la Poste et de Start People s'acharnent sur notre camarade de lutte, sur le droit de grève et sur les libertés syndicales au sens large. Le comité d'entreprise extraordinaire de Start People est convoqué le 10 février à 14h à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, pour être consulté sur la procédure de licenciement à l'encontre de Fred. Alors, c'est à l'appel de la CGT qui a décidé d'un rassemblement le jour de ce CE extraordinaire. Alors, le CE se tient à 14h et le rassemblement débutera à 12h devant le siège de Start People, immeuble Le Corosa à Rueil-Malmaison. Alors, c'est dans le quartier de Rueil-Malmaison qui ressemble à La Défense, avec toutes ces tours en alu, hein, quartier d'affaires, Manhattan, La Défense, Rueil-Malmaison, situé au 1 rue Eugène et Armand Peugeot, évidemment, hein, des noms de rue très capitalistes. Et pour y accéder, ce sera avec le RER A, station Rueil-Malmaison, RER A à prendre en direction de Saint-Germain-en-Laye. Voilà, donc c'est aussi quelque chose à soutenir. Hein. Cette personne n'a fait que informer les autres de leurs droits et de leurs droits sociaux, de leurs droits syndicaux, sur le droit du travail. Et tout simplement pour ça, Start People veut donc licencier Fred, qui n'a fait que son travail de solidaire, hein, solidaire avec les personnes qu'il a informées, évidemment. Et la répression s'abat donc encore, hein, que ça soit sur les Goodyear, que ça soit à Air France, que ce soit avec Start People aussi, ou que ce soit dans plein d'autres entreprises qui connaissent une répression des personnes syndiquées ou des personnes non syndiquées aussi, bien évidemment. Tout ça, eh bien, je pense qu'il faut lutter et apporter un soutien et sa solidarité pour faire plier le patronat et le gouvernement, toujours, parce que c'est qu'ensemble qu'on y arrivera et pas démultiplier, séparer dans je ne sais quoi d'autre, dans plein de choses. Il faut le faire ensemble sur des actions. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Donc mercredi 10 à 12h devant le siège de Start People dans l'immeuble, Le Corosa à Rueil-Malmaison, situé au 1 rue Eugène et Armand Peugeot. On y accède avec le RER A Rueil-Malmaison ou encore avec les bus 467, 144, 158, 244 et peut-être d'autres que j'oublie, mais vous avez l'ensemble des lignes qui passent par là pour pouvoir y aller. Mercredi 10 à 12h donc, pour soutenir Fred qui est en train de se faire licencier. Vendredi 12 donc, 12 février, ce sera à Saint-Denis à 19h. À Saint-Denis à 19h, ce sera la réunion pour la constitution d'un collectif, enfin la seconde réunion pour la constitution d'un collectif du 93, de Seine-Saint-Denis donc, de soutien à Notre-Dame-des-Landes. Alors je vous donne l'endroit tout de suite, c'est à 19h au local de la Dioniversité. Local géré par un groupe de la Fédération anarchiste, hein, le groupe Henri Poulaille. 19h, local de la Dioniversité, l'appel à la constitution d'un collectif de Seine-Saint-Denis. Et la Dioniversité est située aux 4 places Paul Langevin. On y accède avec la station Basilique Saint-Denis, avec la ligne 13 du métro, ou encore avec le tramway T1. Et puis certainement des bus locaux, mais je n'ai pas la liste devant moi. Voilà, constitution d'un collectif de soutien à Notre-Dame-des-Landes. C'est vrai qu'on se focalise sur Notre-Dame-des-Landes, mais il y a énormément d'autres ZAD hein, qui sont actuellement en lutte en France, et puis dans d'autres pays en Europe et dans le monde aussi. Et je pense qu'apporter du soutien, alors certes à Notre-Dame-de-Landes, mais aussi aux autres ZAD, aux autres zones à défendre, est important. C'est important parce que ça constitue des zones où le capitalisme et l'État perdent des places, perdent des points, se retrouvent à reculer. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir faire toujours reculer l'État. Évidemment. Jusqu'à sa disparition totale et entière. Mais voilà, soutenons les ZAD, questionnons-nous, sur ces zones à défendre, sur leur fonctionnement. Apportons en tant que libertaires un coup de main et une vision aussi. De ce que pourraient être des relations horizontales, hein, évidemment, sans chef, sans chefferie, sans gouvernement. Voilà, il faut soutenir d'un côté les expérimentations qui sont faites dans les ZAD quand c'est possible d'en faire, et de l'autre côté, évidemment, maintenir le fait de pouvoir faire reculer l'État, puisque de toute façon, sur l'Ande, hein, l'Europe et le Conseil de l'Europe, je ne sais plus lequel, a émis un avis défavorable à la construction de cet aéroport. Donc, il n'y a pas de raison d'en construire un. Donc, il n'y a pas de raison d'abandonner cette lutte à Notre-Dame-des-Landes et pour toutes les autres ZAD également. Alors ça, c'était pour vendredi 12 février. On va se faire un dernier point rendez-vous pour le samedi 13. Ce sera à 14h avec une manifestation du collectif Bara. Alors je vous avais déjà parlé hein, de ce collectif dans une émission précédente. Collectif de sans-papiers qui réclame sa régularisation, enfin la régularisation des personnes constituant ce collectif et des logements pour tous et toutes. Alors ce rendez-vous est fixé samedi 13, rendez-vous à 14h devant la mairie de Montreuil. Je vous donne tout de suite de quoi y aller avec la ligne 9 du métro, station mairie de Montreuil. Il y a certainement des bus qui passent par là et je n'ai pas la liste devant moi. Contre l'expulsion du squat du collectif Bara, hein, qui est toujours là comme une épée de Damoclès, et pour la régularisation de ces personnes sans papier, et puis des logements pour toutes et tous. Donc majoritairement, ce sont des migrants originaires de l'Afrique de l'Ouest et centrale, pour la plupart, qui vivaient en Libye depuis de nombreuses années. Et puis évidemment, la guerre les a forcés à partir. Hein. Ils ne viennent pas forcément comme ça, de gaieté de cœur, qu'elles ont quitté leur foyer. Et le collectif Bara est tout autant déterminé à obtenir un toit pour l'ensemble de ses membres. Un squat comme le nôtre n'est pas une solution idéale, c'est une solution par défaut pour répondre à l'urgence de la situation. Il et elle demandent aux autorités de ne pas expulser ce lieu de vie situé au 72 rue René Alazar à Bagnolet. Vous pouvez y passer hein, pour apporter votre soutien à ce collectif et aux personnes qui vivent au 72 rue René Alazar à Bagnolet. Et de ne pas expulser non plus les camarades qui ont obtenu un hébergement provisoire dans des foyers à Doma. Je rappelais juste avant la lutte pour les foyers, de ce qui se passe dans les foyers à Doma avec des rafles. Donc ce n'est vraiment pas non plus une solution pérenne. Les demandes officielles n'aboutissant pas. Hein, donc seule la lutte peut payer. Et c'est pour ça qu'il y a de nouveau cette manifestation. Samedi 13 février à 14h devant la mairie de Montreuil, place Jean Jaurès, métro mairie de Montreuil avec la ligne 9. Et le 21 janvier, une petite parenthèse aussi concernant cette lutte du collectif Bara. Le 21 janvier, une audience a eu lieu pour demander des délais supplémentaires afin qu'on puisse continuer à habiter dans notre maison, c'est-à-dire le squat. Le délibéré sera rendu le 25 février et en attendant, elles sont expulsables du jour au lendemain. Hein. Donc mobilisons-nous et apportons notre soutien actif et notre solidarité active pour empêcher que ces personnes se retrouvent à la rue, pour empêcher que ces personnes soient expulsées et pour que ces personnes puissent enfin avoir des papiers et pouvoir avoir de quoi subsister, un toit au-dessus de leur tête de façon pérenne, évidemment. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Tous les samedis à 18h30, il y a une AG, une assemblée générale ouverte à tous et à toutes, au 72 rue René Alazar à Bagnolet. Donc n'hésitez pas à apporter votre soutien à cette lutte importante et qui dure depuis pas mal d'années maintenant. Alors on va se faire une petite pause musicale avec Avec un titre paraissant, on va s'écouter Suzy and the Banshees avec le titre Hong Kong Garden. Et on se retrouve juste après pour quelques rendez-vous en région. À l'écoute de l'émission C'est là que ça se passe, votre agenda militant pour la semaine, tous les lundis de 13h à 14h30 sur Radio Libertaire, bien évidemment, la voix sans Dieu ni maître et sans publicité de la Fédération anarchiste sur le 89.4 sur la bande FM et sur la bande FM en Ile-de-France, malheureusement, et partout ailleurs sur le net. www.radio-libertaire.net, tout simplement. Alors, on va passer au rendez-vous en région, avec quelques villes cette semaine. Et on va commencer par... Allez, on va commencer par Lyon. Lyon, ce mardi... Une soirée de soutien à l'école autonome de Mermoz, ce mardi 9 à Lyon. Soirée de soutien qui aura lieu de 18h30 à 23h, avec quelques concerts et de quoi se restaurer. Hein. C'est vraiment une cantine concert, en fait. Et ce sera au squat l'Hôtel California, situé au 69 avenue Mermoz Pinel, dans le 8e arrondissement de Lyon. Alors on y accède en descendant à la station Mermoz Pinel du métro, ou avec le bus 22 arrêt Californie, ou encore avec le tramway T2 arrêt Bacut, mairie du 8e arrondissement. C'est sur Lyon, hein. ne confondez pas avec Paris, bien évidemment. Donc oui, soirée de soutien à l'école autonome de Mermoz, une école qui s'est montée à l'intérieur du squat Hôtel California. squat qui a ouvert en fin d'année, vers octobre, si je me souviens bien, vers octobre de 2015. Une école autonome, puisque... Le squat Hotel California, c'est beaucoup de personnes sans papier qui y sont domiciliées. Et puis, les enfants de ces personnes qui n'ont pas pu être scolarisées dans les écoles à proximité. Donc, du coup, des personnes qui ont des connaissances éducatives, dirons-nous, se sont investies pour créer une école autonome. Pour donner des connaissances essentielles aux jeunes enfants qui sont dans ce squat, l'Hôtel California. Et donc l'école autonome a évidemment besoin de matériel, certes d'un peu d'argent, mais de matériel aussi. Donc si vous êtes sur Lyon ou de passage à Lyon et que vous avez des anciens livres scolaires, du matériel, des feutres, des stylos, tout ça, des gommes, des crayons, des feuilles, des feutres de coloriage, des feuilles de dessin, etc., etc., n'hésitez pas à y passer et à les soutenir. Avec cette soirée de soutien aussi, mardi 9, demain, de 18h30 à 23h, avec quelques concerts intéressants de musique du monde, notamment des pays de l'Est, albanais aussi, et puis la nourriture sera concoctée sera une nourriture des pays de l'Est, la cuisine rome et albanaise majoritairement. Donc c'est ce mardi 9 à Lyon. N'hésitez pas à y passer, soirée de soutien de 18h30 à 23h au squat Hôtel California situé au 69 avenue Mermoz-Pinel dans le 8e arrondissement de Lyon. On va continuer avec Grenoble vendredi 12 à 19h30, un concert punk au squat le Parpaing Paillettes. Parpaing Paillettes qui organise un certain nombre de choses chaque soir, beaucoup de soirs de la semaine. Toutes les semaines. Alors n'hésitez pas, si vous êtes sur Grenoble, à passer au Parpaing Paillettes et à soutenir ce squat pour ne pas qu'il se fasse expulser aussi. Vendredi 12, donc, à 19h30, un concert punk avec 3 ou 4 groupes. 3 groupes, je crois. C'est situé, le Parpaing Paillettes, au 104 avenue Ambroise Croizat à Saint-Martin-d'Hères. On y accède avec le tramway. La ligne D, je crois, station Maison Communale, ou la ligne C du tramway, station Nerpic-Beldonne. Voilà, dans la Saint-Martin-d'Hères étant collé à Grenoble, de toute façon. Donc c'est dans cette localité-là. Vendredi 12, 19h30, un concert punk au squat Le Parpaing Paillettes. On continue avec Bordeaux, dimanche 14. À Bordeaux, dimanche 14 février, il y aura une marche contre les pesticides. C'est organisé notamment par la Confédération paysanne et d'autres organisations aussi, d'autres collectifs dont je n'ai plus les noms en tête ni sur mes petits papiers. Mais voilà ce que j'avais retenu, donc Confédération paysanne contre les pesticides, contre le répandage des pesticides partout, dans toute la nourriture, dans tout ce qu'on mange, dans tout ça. Donc c'est dimanche 14, alors j'essaye de retrouver quelques infos supplémentaires. Oui, il y a la Confédération paysanne, il y a... Génération Future, le collectif Alerte Pesticides Léognan. Alors voilà, pourquoi ? Parce que la Gironde est montrée du doigt aujourd'hui comme département le plus consommateur de pesticides CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Mais ce n'est plus seulement l'affaire des viticulteurs, le vin de Bordeaux, pour ne citer que lui, bien évidemment. Mais nous sommes tous concernés. C'est l'épandage sur les asperges, pardon. C'est l'épandage sur tout ce qui est fait comme agriculture en Gironde. Et donc, c'est dimanche 14 février à 14h pour dire non aux pesticides. Place P. Berland à 14h à Bordeaux. Dernier rendez-vous en région cette semaine que j'ai noté, que je voulais vous transmettre, ce sera à Rennes. À Rennes, il y aura des rencontres autour de l'entraide en santé mentale, du 13 au 16 février. Alors, je voulais vous en parler parce que je trouve que tout à l'heure, j'ai cité un texte contre l'enfermement. C'était un texte pas seulement contre l'enfermement carcéral, mais aussi contre l'enfermement psychiatrique, où on enferme pour un rien. Pétoff, que vous avez pu écouter sur l'émission Anticop 21, animée par Cécile, pendant la COP 21, qui avait lieu les nuits de mardi, de minuit et demi jusqu'à tôt le matin. Cécile qui anime aussi Et toi tu la sens, la cinquième puissance, émission de contre-propagande de 8h à 10h, 10h30, tous les mardis matin. Et Pétoff, donc, qui était passé sur l'émission Anticop 21, qui a été incarcéré et mis en HP, en hôpital psychiatrique, comme ça, sans raison évidente. Donc on enferme encore les gens dans des HP pour s'en débarrasser. Voilà. Donc à Rennes, il y aura les rencontres autour de l'entraide en santé mentale du 13 au 16 février. Alors, j'ai pas plus d'infos. Si vous voulez en savoir plus et que vous êtes sur Rennes même, je pense que vous aurez de quoi trouver. Ou alors, il faut se rendre. Je sais que des informations vont être mises à jour sur le site internet brest.medialibre, au pluriel pour média et libre. Donc média libre tout attaché, avec des S à la fin des deux mots, brest.medialibre.org. Vous aurez des infos qui vont être mises à jour jusqu'au 13 février pour savoir où va se passer, quelles sont les conférences, quels sont les groupes de travail, tout ça, s'il y aura des concerts de soutien ou que sais-je encore, du 13 au 16 février sur Rennes. Alors, voilà pour les rendez-vous en région. En international, j'ai qu'un seul rendez-vous à vous proposer, ce sera en Suisse. Ce sera mardi 9, c'est-à-dire demain, à 19h, la projection du film El Chuncho, un western Zapata du réalisateur Damiano Damiani, où quand le western italien parle de la révolution mexicaine et de la lutte des classes. Ce sera à l'écurie de Lilo, situé au 14 rue de Montbrillant à Genève, en Suisse, mardi 9 à 19h. Et puis il y aura de quoi discuter après cette projection gratuite, demain à 19h à Genève. Alors, point international, que j'ai toujours un peu de mal à entretenir, ou en tout cas à grossir, pour vous informer de ce qui se passe dans le monde et vous dire que nous ne sommes pas seuls à lutter en France et en région ou sur Paris, etc., que nous sommes beaucoup à travers le monde et que il faut continuer à lutter lutter pour que ce monde capitaliste puisse disparaître dans les poubelles de l'histoire et pour que ça soit un monde libre qui puisse advenir enfin pour l'humanité et pour la planète aussi tout entière. Alors je sais qu'il y a des grèves actuellement en Allemagne, notamment avec la FAU, cette confédération anarcho-syndicaliste que je salue. Alors, il y a aussi des grèves en Italie et en Espagne, où je salue la CNTAIT espagnole et l'USI, confédération syndicaliste révolutionnaire en Italie. Et puis, toujours en Amérique du Sud, de grosses mobilisations, même si je n'ai pas le temps de vous en parler. Et au Chiapas, la lutte continue, bien évidemment. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine, même heure, 13h, autour de 13h, jusqu'à peut-être un peu plus que 14h30 la semaine prochaine, donc, puisque... cette semaine, juste après moi, il y a l'émission Onde de choc qui commencera d'ici quelques minutes. Et puis, la semaine prochaine, il n'y aura apparemment pas l'émission Onde de choc. Alors, je me permettrai de déborder quelque peu mon émission pour vous fournir peut-être plus de rendez-vous en région et plus de rendez-vous peut-être aussi, plus de rendez-vous et d'informations peut-être aussi à l'international. Alors on va se quitter avec le titre Victoire prochaine du groupe Seconde Chambre, comme chaque semaine. Et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine de lutte, en espérant que Milan nous reviendra la semaine prochaine. Et on se retrouve lundi dans 8 jours. Jusqu'à ce que...